C'est la chronique de Monsieur l'Ignore américaine, Gilles Péloquin. Salut Gilles. Hey, bonne journée. Gilles, très bonne cote d'écoute la semaine passée. Merci, oui. Je pense que le public sorellois, d'une part, est très fidèle envers ses éperviers. D'autre part, ce qui a aidé à avoir ce 17 500 et 12 500 en moyenne pendant 2h30 de temps, c'est aussi le fait que c'était en matinée le samedi à 15h et qu'il n'y avait qu'un match dans la Ligue nord-américaine. Donc, ceux qui ne jouaient pas, les autres équipes, les joueurs ou les dirigeants ou les partisans, ont écouté. C'est peut-être le même cas qu'on va revivre samedi avec un autre match en matinée à 15h alors qu'il n'y en a qu'un en soirée et l'autre est le lendemain après-midi. Donc, ça aide lorsqu'il n'y a qu'un seul match. Mais encore là, merci parce que ça prouve une chose, c'est que il y en a beaucoup qui aiment le produit de la Ligue nord-américaine et qui le suivent de très, très près. Ben, j'ai vu ça. D'ailleurs, j'ai eu la chance de l'écouter un petit peu, quelque peu. Hey, Gilles, on va commencer avec notre sondage. Pas notre sondage, mais je veux dire notre équipe. Si les Marquis et Saint-Georges-de-Beauce, c'est sûr qu'on est dans la région de Saint-Lac-Saint-Jean, donc on va suivre plus les Marquis. C'est 1-1 dans cette série-là. Hein? C'est Adam Rousseau qui est encore la grande vedette. Hein? Ben, c'est Adam Rousseau qui est la grande vedette de cette série, d'une part, et également, d'autre part, Cédric Desjardins. Et ça s'explique très, très bien. Si on avait à donner deux équipes d'étoiles cette année, moi, je pense que les deux gardiens seraient sur ces deux équipes. Rousseau est le gardien de l'année, et on parle également de Desjardins comme celui qui a eu le plus de jeux blancs, 4, qui est un sommet dans la Ligue nord-américaine, et les deux sont très bons. Et ils l'ont prouvé. Mais coïncidence, pas sur leur glace, mais sur la glace de l'adversaire où on est allé voler une victoire de chaque côté. Mais Rousseau me rappelle le Rousseau de l'an passé, dans une même série, alors lui avec les Prédateurs de Laval, qui n'allait nulle part, avait été volé à Jonquière une victoire, et les Marquis étaient revenus finalement pour l'emporter 4-2 dans la série et éliminer Laval. Rousseau peut à lui seul, c'est le seul gardien d'ailleurs dans cette ligue, et il l'a prouvé 2 ans de suite, à voler un match à l'adversaire. Maintenant, on a ce qu'on appelle le match 3 d'Annie, qui dans une série éliminatoire est le match crucial. Ouais. Il faut absolument que les Marquis l'emportent vendredi chez eux et peut-être aillent prendre les devants dans cette série 3-1 avec le match qui va suivre dimanche en matinée du côté de Saint-Georges. Mais Rousseau n'a pas dit son dernier mot. Jonquière, tout le monde s'attend à ce qu'il passe en deuxième ronde. Saint-Georges n'ont pas de pression. Donc, on joue en équipe. Un qui s'est levé dans cette série également, si on oublie la défensive et qu'on parle offensive, du côté de Saint-Georges, c'est le meilleur marqueur à vie, celui qui a mis le point, le seul dans l'histoire de la Ligue en 22 ans. Donc, c'est l'as, Kevin Cloutier. Et il y a tous ceux qui gravitent autour de lui, qui donnent un deuxième et troisième effort. Et ça donne une merveilleuse série, surtout avec du côté de Jonquière, les Desmarais et tous les autres qu'on connaît, Chaput et compagnie, sans oublier Kolnig. Moi, je pense que ce sont deux excellentes équipes avec les deux meilleurs gardiens de la Ligue. Et on l'a remarqué, ça a été des bas pointages. Et tu gagnes un match sur deux en série éliminatoire et tu ne marques que 3 buts en 2 matchs. Faut le faire. Ben non, c'est clair. Et écoute, ça arrive souvent hein, que les gardiens de but, c'est un gardien est hot dans une série puis qui peut sortir l'équipe. Ça arrive très souvent. Oui, puis ça pourrait arriver. Il faudrait pas que Rousseau fasse le même coup vendredi soir à Jonquière, parce que là, je pense que Jonquière ne voudra pas laisser l'adversaire en gagner une chez lui. Mais en ce moment, on s'aperçoit d'une chose. C'est une série où c'est pas une série d'homers, comme celle de Trois-Rivières et Sorel, où chaque équipe gagne sur sa glace. C'est plutôt une série où on défie l'adversaire, on se fout du public. Le cool, avec plusieurs 1500 spectateurs dans l'amphithéâtre, va les battre, puis le lendemain, on remet la politesse de l'autre côté. Moi, j'aime ça. 4-1, 2-1, c'est pas beaucoup de buts. C'est 8 buts seulement en 2 matchs. Moi, je pense que ça va être encore une série qui va donner à peu près 5 buts là dans les deux prochains matchs, mais qui va gagner bien malin. Mais je pense que Jonquière pourrait, lundi prochain, reprendre les devants 3-1 dans cette série. OK. Maintenant, si on parlait de la série que tu suis, Sorel contre Trois-Rivières. Ben, celle-là, c'est la même chose. Sorel, c'est l'équipe que tout le monde attend comme Jonquière pour aller en deuxième ronde. Ouais. C'est l'équipe qui est championne. C'est l'équipe qui n'avait qu'une défaite en temps régulier en 2018 en 15 matchs. Elle l'a emporté, oui, ça semble facile, 8-4 dans le premier match, mais pour avoir jasé avant la rencontre de samedi en matinée avec 3-4 joueurs clés de l'équipe, ils m'ont répondu à ce que je m'attendais. Oui, on a marqué 8 buts, 4 en avantage numérique. Oui, le jeu de puissance a fonctionné parce qu'il y a eu l'indiscipline des draveurs vendredi passé au Colisée de Sorel. Mais on n'a pas joué notre meilleur match. Même me disait Gadouri et également Courcel, les deux, puis pas en même temps. Je pense que c'est notre pire match de l'année à date en 2018. Puis là, quand même, Danny gagné 8-4. Le lendemain, attention, là, on a changé le gardien. Gélina, qui est le numéro 1, on est allé placer Clermont, qui est l'auxiliaire, qui est aussi le numéro 1, qui est arrivé tardivement avec la période des transactions. Et lui a gardé les buts à la Rousseau, à la Desjardins. Ils ont été impeccables en défensive, Trois-Rivières. Et celui que Sorel ne voulait plus, celui qu'on laissait dans les gradins, celui qu'on voulait échanger, qu'on l'a fait, Marco Charpentier, est venu hanter son ancienne équipe, a marqué un très beau but, a préparé celui de son capitaine Bellemare. Ils ont pris les devants 3-2. Ils ont conservé cette avance. Clermont a fait les arrêts clés et ils sont sortis victorieux 3-2. Le seul bémol, c'est qu'il y avait 7 ans, 63 spectateurs. Oui, c'est un peu mieux que leurs 4,85 ou 5,25 ou 652 de moyenne. Mais là-dessus, il faut dire les vrais chiffres. Il y en avait 450 de Sorel. Comment ça se fait-il qu'il n'y en a que 300 et des poussières de Trois-Rivières? Ils en veulent-tu ou ils n'en veulent pas du hockey senior à Trois-Rivières, ma foi? Ben, je pense que la réponse, écoute, fait longtemps qu'on la sait. Là. C'est qu'on retient qu'on attend juste à la fin de l'année pour tirer à plug, Gilles. Mais on remarque cette semaine qu'il y a une dizaine de chauds partisans qui ont décidé, Danny, de prendre les choses en main. Sur les médias sociaux, ils ont demandé aux propriétaires d'amener des munitions dans le Colisée pour amener du monde, des familles, des enfants, avec un match à 15 heures. Ça a été ce qu'on s'attendait peut-être un non catégorique. Ils ont décidé de prendre les choses en main et de se former un comité et de payer eux-mêmes de leur poche et faire venir pour les enfants la patte patrouille avec 6 mascottes, de faire venir un gars qui est très coloré et très connu au Québec comme annonceur de foule pour la boxe et la lutte. Donc, ils ont mis tous les moyens. Il y a même un boxeur très connu, que toi, tu connais peut-être mieux que moi, qui va être présenté, qui a gagné un combat récemment à Shawinigan. C'est Simon King, c'est ça? C'est en plein ça. Ouais, okay. Il va être présenté, il va faire la mise en jeu protocolaire. Donc, ces gens-là essaient, malgré et contre le propriétaire Étienne Boileau, de vouloir travailler fort à amener plus de 1000 personnes dans les gradins samedi et tenter de prouver aux maires, aux échevins, aux dirigeants de la ville que c'est encore viable. Mais ça prend des gens locaux et ça prend du sang local pour administrer ça. Ouais. Est-ce que les médias embarquent beaucoup? Non. Non, malheureusement, c'est, non. C'est une question. C'est, je dirais, gâté les petits marchés comme Sorel, comme Jonquière, comme Thetford, comme Rivière-du-Loup. Mais Trois-Rivières, malgré qu'il y ait 12 médias dans ce coin de pays, c'est une équipe qui, malheureusement, est considérée comme moribonde à cause de son passé, 5-6 ans. Et malheureusement, on ne lui donne pas, selon moi, ce qu'on devrait lui donner. C'est sûr qu'en théorie, on va couvrir le match, on va en parler une fois semaine dans l'hebdo local, mais au niveau radio, la radio parlée... Ben, c'est les cataractes. C'est beaucoup les cataractes de Shawinigan. Ben, c'est beaucoup les cataractes, d'une part, et d'autre part, les Canadiens. Ouais. Et après ça, les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après ça, l'équipe des Estacades du Cap-de-la-Madeleine qui est au Midget 3A en quart de finale en ce moment. Et là, il arrive aussi le Senior 3A avec 4 équipes dans la région. Puis en 6e place, t'es loin derrière. Ah, la Ligue nord-américaine, quand on a la chance d'en parler. Ouais. Gilles, l'autre série. Ben, l'autre série, c'est une bonne série. Elles sont bonnes toutes les trois. Ouais. C'est encore en terminant concernant Sorel et Trois-Rivières. Sorel ne peut se permettre de l'échapper vendredi soir chez lui parce que le lendemain, en matinée, tu retournes à Trois-Rivières et à Trois-Rivières, Sorel, là, c'est une fiche de 2 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation. Sauf qu'à la maison, cette année, ils ont eu 5-5 contre Trois-Rivières. Maintenant, du côté de l'assurancier des 3L, c'est à peu près la même chose. Les 3L ont gagné en revenant de l'arrière 4-3 en prolongation grâce à leur trio clé, Tourigny, Damour et Veilleux. Ils en ont un. Il a été surveillé par l'assurancia pendant 55 minutes. Mais on a créé l'égalité en fin de match. On est allé chercher la victoire en début de prolongation. On les avait oubliés. Le lendemain, Thetford s'est retrouvé chez lui. Bon public, plus de 1000 spectateurs pour une des rares fois cette saison. Ils ont gagné 5-2. Girard a fait le travail qu'il avait un peu échappé la veille. Mais la surprise vient cependant, Danny, que les 3L n'ont pas employé dans les deux matchs celui qu'on considère comme derrière. On pense à Desjardins et à Rousseau, Loïc Lacasse. Oui. Lacasse n'a pas gardé un match encore. Est-ce qu'il est blessé ou on a préféré mettre le gardien numéro 2, Guillaume Desselles, qui avait fait les séries l'an dernier? C'est peut-être le cas. Simon Turcot a peut-être plus d'affinité comme entraîneur à vivre les émotions de Desselles pour l'instant en série, puis j'y vais avec et je gagne ou je perds. On verra bien pour le match de demain. Mais c'est un dans cette série et les 3L ne peuvent se permettre de l'échapper à la maison parce que l'assurancia, dans mon livre à moi, est l'équipe qui devrait sortir cette série en 6 matchs. OK. Hey, Mario Roy, hein? Mario Roy qui a été nommé instructeur de l'année. Ben écoute, on va se rappeler en janvier. C'est incroyable. J'en avais parlé. Ouais. Je t'avais dit que notre ami Kevin du côté de Rivière-du-Loup avait été faire un sondage. Ouais. Kevin Beaulé, l'animateur de radio, qui suit le club des 3L, auprès de 5 entraîneurs et un DG. Et selon ce qui ressortait du sondage, c'est que 4 entraîneurs avaient des votes et 2 n'en avaient pas. Les 2 qui n'avaient pas eu de vote étaient Alain Côté à Trois-Rivières et Simon Turcot chez les 3L. Mm. Cependant, les 4 autres entraîneurs qui avaient été sélectionnés avaient eux autres décidé que on mettait premier le coach de Saint-Georges. Et dans tout ça, malgré qu'ils luttaient pour le premier rang, les deux clubs, Jonquière et Sorel, avec 2 anciens joueurs devenus coach cette année, ben ces deux gars-là n'avaient qu'un point. Ça, un point, ça voulait dire que lorsqu'on avait fait voter les entraîneurs, qu'on donnait 5 points pour un premier choix, 3 points pour un deuxième et 1 point pour un troisième choix, 4 entraîneurs n'avaient donné qu'un troisième choix pour l'entraîneur de Jonquière et l'entraîneur de Sorel. Et j'ai su, de sources bien informées, que le classement final de fin de saison voté par les dirigeants des équipes, soit entraîneurs, directeurs généraux, qui sont aussi des fois le double chapeau, comme Trois-Rivières, propriétaire, Deschênes, là, est terminé 4e au classement. Ça n'a aucun bon sens. C'est le gars qui en a une équipe de nulle part, s'est classée première, qui avait perdu ses 4 joueurs de centre en début de saison, avant même le camp d'entraînement. 3 avaient pris leur retraite. PJ Corsi, que tu as vu chez toi il y a 2 ans, à peine à Jonquière. Stéphane Roy, qui avait pris sa retraite, l'ancien coach qui était revenu joueur une saison. Et lui-même, Christian Deschênes, et son 4e joueur de centre, la recrue du universitaire de Montréal, qui était de Olivier Hinz, qui était parti pour l'Autriche. Il a rebâti une équipe, puis termine 7 points devant Jonquière. Pas assez bon pour être entraîneur de l'année. Ça n'enlève pas les qualités de Mario Roy, qui est très bon, mais je trouve ça avec un petit goût amer dans la bouche quand c'est un club de 5e place que c'est le coach de l'année. J'ai pas vu ça souvent. Ouais, effectivement, mais Mario, écoute, moi, c'est un gars que j'ai connu que dans le temps du Junior 3A, très organisé, c'est un bon jack. Ah, ouais, c'est un gars qui a repris cette équipe en bas de la côte. Là. Ouais, ouais, pas ouais. Mal en bas, même. Je me souviens que lors d'un soir à Sorel, à son arrivée, avec le DG qui était du Saguenay à l'époque, les gars ne voulaient pas jouer et avaient décidé peut-être de même annuler le match à Sorel. Mm. Et lui arrivait et il leur a fait entendre raison. On connaît la suite. Il est allé gagner 16 victoires dans les 28 derniers matchs de l'équipe pour la classer 5e, mais très près de la 4e ou de la 3e. Bravo! On n'enlève rien à son immense succès avec Saint-Georges, mais je m'aurais attendu au coach de Jonquière ou au coach de Sorel comme entraîneur de l'année parce que ces deux-là arrivaient de nulle part et n'étaient pas des coachs dans l'âme comme l'est Mario Roy avec sa vaste expérience du 3A, arrivé maintenant dans la Ligue nord-américaine comme Turcot. Non, c'est sûr, c'est pas la même affaire du tout. Là. Dans la Ligue nord-américaine. Donc, ça n'enlève rien au gars. Là. Je ne veux pas déprécier du tout. Bravo, il le mérite. Ouais. Mais je pense que les deux anciens joueurs auraient eu peut-être la chance de le coiffer où on aurait peut-être pu donner un double comme on a fait du côté de la recrue offensive. Ça aussi, c'est une joke. Massenauer, qui est un vétéran de 29 ans, qui l'emporte à égalité avec une recrue de 23 ans, Massenaar, que tu n'as pas entendu nommer de l'année comme recrue de mois, alors que l'autre l'a été 3 mois. Tu as le jeune Gabriel Boudreau-Paquin du côté de Jonquière qui l'aurait amplement aussi mérité. Ouais. Et Massenaar sort un lapin de son chapeau. Et c'est lui qui est co-détenteur du titre de recrue offensif de l'année. Parce qu'on a enlevé la barrière des 26 ans maintenant. Donc, tu peux avoir 40 ans, tu vas être recrue de l'année. C'était à ta première année dans la Ligue nord-américaine. Il y a quelques modifications et changements de règlement qui devraient être faits. Effectivement. Gilles, on s'en reparle à quelque part la semaine prochaine. Non? Ça dépend des disponibilités. Les bons week-ends, les bons matchs de hockey partout. Oui, Gilles Péloquin, la voix des éperviers de Sorel et de M. Ligue nord-américaine.